On se dit souvent que les experts en gestion privée, c'est pour les autres. Parce que financer les études de ses enfants à l'étranger, avoir une entreprise, acheter sa résidence secondaire ou optimiser sa fiscalité, c'est aussi réservé aux autres, bien entendu. Mais si jamais vous découvrez que les situations des autres, eh bien, ce sont aussi les vôtres, alors vous avez sans doute besoin d'un expert en gestion privée. Avec Banque Populaire Gestion Privée, nous vous aidons à optimiser votre situation afin d'assurer l'avenir de votre patrimoine. Profitez d'un rendez-vous patrimonial avec l'un de nos experts en gestion privée en sollicitant votre conseiller Banque Populaire. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. En ce jour férié, toute l'équipe de Cœur de l'Histoire est en direct. Bonjour Franck. Eh oui, bonjour Céline, bonjour à tous. Nous allons donc parler aujourd'hui de la Marseillaise, de son histoire, l'histoire officielle et un peu l'histoire officieuse aussi. J'ai invité Guillaume Mazot pour nous parler de notre hymne national. Guillaume Mazot est spécialiste de la Révolution française et vous allez voir que, évidemment, cette Marseillaise a partie liée avec notre histoire et avec celle de la Révolution. Et à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Sophie. Sophie souhaite savoir quelle est l'origine du 1er mai comme fête du travail. Eh bien voilà, l'année dernière, nous avions consacré l'émission au 1er mai. Nous l'avions fait avec Marc Blondel, d'ailleurs, qui nous a quittés depuis et dont je salue la mémoire. Nous parlerons donc du 1er mai, spécialement pour Sophie et pour tous nos auditeurs, bien entendu. Europe 1, au cœur de l'histoire. Ferrand. J'en crois les réactions qui depuis ce matin arrivent sur notre site, l'hymne national ne fait pas tout à fait l'unanimité. La Marseillaise fait beaucoup réagir nos auditeurs, alors nous aurons l'occasion tout à l'heure de revenir sur un certain nombre des messages et de répondre à certaines des questions qui sont posées, mais c'est toujours intéressant de constater qu'un hymne qui devrait normalement faire l'unanimité dans le pays, eh bien ne le fait pas du tout. Je vais d'abord vous parler de l'histoire officielle de la Marseillaise, celle qu'on est censé apprendre à l'école, qui est encore relayée par les principales institutions, comme le confirment les sites internet de l'Élysée ou de l'Assemblée nationale, qui s'accordent sur la version suivante. La Marseillaise aurait été écrite par un jeune officier, Claude-Joseph Rouget de Lille, à Strasbourg, dans la nuit du 25 au 26 avril 1792. Vous avez sans doute vu les gravures. À une époque, il y en avait partout de ces gravures. Vous savez, c'est sans doute une des gravures qui a été le plus reproduite et diffusée en France, celle de la composition de la Marseillaise par Rouget de Lille dans cette nuit fameuse, à la suite de la déclaration de guerre de la France révolutionnaire au roi de Bohême et de Hongrie. Notre Rouget de Lille était né en 1760, à Lons-le-Saunier. Il est capitaine du génie, même s'il va mener une carrière militaire assez brève, disons-le, et l'histoire voudrait que quelques jours après la déclaration de guerre de la France, le 20 avril, lors d'une soirée en compagnie de militaires qu'il avait coutume d'organiser, le maire de Strasbourg, qui était le baron de Dietrich, ait constaté avec regret que la France révolutionnaire ne possédait pas d'hymne capable de galvaniser ses soldats et ses volontaires engagés afin de défendre la patrie en danger. Il aurait donc demandé au capitaine du génie Rouget de Lille, à ce jeune officier des armées de 1792, en garnison à Strasbourg et qui était poète, musicien à ses heures, d'écrire un chant de guerre. Il rentre dans la soirée à son domicile, rue de la Mésange, on est entre la place de l'Homme de Fer et la place Breuil, où Rouget de Lille aurait composé dans la nuit du 25 au 26 avril donc les paroles et la musique de ce chant de guerre pour l'armée du Rhin, qu'on appellera plus tard la Marseillaise. Cette scène, elle a été immortalisée dans le tableau d'Isidore Pils, et c'est ce tableau qui a fait l'objet de diverses déclinaisons sous forme de gravures, ce dont je vous parlais à l'instant. Ce tableau d'Isidore Pils présenté au musée des Beaux-Arts de Strasbourg. Le chant retentit ensuite publiquement pour la première fois sur la place devant l'hôtel de ville de Strasbourg. L'historien strasbourgeois Claude Bessinger conteste le lieu de la première exécution de cet hymne. Elle aurait eu lieu en fait chez le maire, Frédéric de Dietrich, qui habitait 17 rue des Charpentiers, et non dans la maison familiale des Dietrich. Bon, ça c'est déjà une première petite, toute petite controverse. Le chant ensuite a été rebaptisé la Marseillaise parce qu'il a été repris par les soldats républicains de Marseille au moment de l'insurrection des Tuileries le 10 août 1792. Ce bataillon était parti de la rue du Tapis Vert à Marseille. Il avait gagné Paris à pied en chantant justement cet hymne dont on pense souvent à tort qu'il aurait été écrit à Marseille. Un numéro de la Chronique de Paris note que les Marseillais chantent cet hymne avec, je cite, « avec beaucoup d'ensemble, et le moment où ils agitent leurs chapeaux et leurs sabres en criant tous à la fois « aux armes citoyens » fait vraiment frissonner », c'est ce que nous dit la Chronique de Paris. Ils ont fait entendre cet hymne guerrier dans tous les villages qu'ils traversaient, et ces nouveaux bardes ont inspiré ainsi dans les campagnes des sentiments civiques et belliqueux. Souvent, ils le chantent au Palais Royal, quelquefois dans les spectacles entre les deux pièces. Le chant est enseigné sur les places publiques, il se répand à toute vitesse. La Marseillaise est même mise en scène dans l'Offrande de la Liberté, orchestrée pour la première fois par Gossec. Elle est offerte en spectacle, on est là le 2 octobre 1792. Alors, la Marseillaise va accompagner les grandes fêtes civiques. On lui ajoute des couplets dont certains sont chantés à la tribune de la Convention par les délégués de section. On retiendra l'ajout d'un 7e couplet, dit couplet des enfants, attribué à Louis Dubois ou à l'abbé Pessonneau. Allez, encore une petite controverse et encore une occasion pour les historiens de s'écharper sur la paternité de ce fameux couplet. Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus, vous savez. En 1793, la Convention nationale décrète que la Marseillaise sera chantée dans tous les spectacles et 2 ans plus tard, l'hymne est déclaré chant national par le décret du 14 juillet 1795. Enfin, il faudrait donner la date du calendrier républicain. C'était le 26 Messidor en 3. Elle est interdite, cette Marseillaise, sous l'Empire et la Restauration. Alors, sous la Restauration, c'est une évidence, bien sûr, mais sous l'Empire, c'est déjà plus étonnant, et on y reviendra tout à l'heure avec mon invité. Pourquoi est-ce que Napoléon ne garde pas la Marseillaise? Elle ne sera remise à l'honneur que sous Louis-Philippe, parce que elle est devenue le chant emblématique des journées révolutionnaires des Trois Glorieuses en 1830. Dans l'enthousiasme des journées révolutionnaires, Hector Berlioz élabore d'ailleurs une orchestration qu'il dédie à Rouget de Lisle. Et dans ses mémoires, Berlioz a rappelé l'émotion intense de la foule qui était massée dans la galerie Vivienne à Paris quand cette foule a repris la Marseillaise entonnée par un petit groupe de jeunes gens. Je cite Berlioz, « À la vue de cet immense concours de peuple, je m'étais rappelé que je venais d'arranger le chant de Rouget de Lisle à grand orchestre et à double chœur, et qu'au lieu de ces mots ténor basse, j'avais écrit à la tablature de la partition « Tout ce qui a une voix, un cœur et du sang dans les veines ». Il y avait quelque chose de très romantique, évidemment, dans ce patriotisme exacerbé d'un Berlioz. Le 20 décembre 1830, Rouget de Lisle écrit à Berlioz, parce qu'il est encore en vie, évidemment, Rouget de Lisle à l'époque, il écrit « Votre tête paraît être un volcan toujours en éruption. Dans la mienne, il n'y eut jamais qu'un feu de paille qui s'éteint en fumant encore un peu. Mais enfin, de la richesse de votre volcan et des débris de mon feu de paille combinés, il peut résulter quelque chose. » Il y a une véritable humilité dont on percera peut-être tout à l'heure la raison profonde. La Marseillaise est reconnue officiellement seulement en 1879, une fois que la République existe et est installée. Vous savez que après la chute du Second Empire en 1870, il y a des élections, les élections de février 1871 qui portent une majorité très conservatrice, c'est le moins qu'on puisse dire, en grande partie monarchiste, et le nouveau régime qui s'installe timidement sous la houlette d'un chef de l'État qui est Adolphe Thiers est un régime qui hésite à se dire républicain et il ne bascule réellement dans la République qu'avec l'amendement Vallon en 1875. Il faut attendre 1879 donc pour que cette Marseillaise soit officiellement reconnue. L'historien Hervé Luxardo nous apprend dans un article d'Historia de juillet 91 qui s'appelle « La Marseillaise au XXe siècle, fugues et variations », voilà ce qu'il dit. Dans les années 1873, l'ordre moral du très légitimiste maréchal de Mac Mahon triomphe. Les élites politiques conservatrices considéraient alors la Marseillaise comme une chanson blasphématoire qui leur semblait vouloir bousculer l'ordre social traditionnel. En lui prêtant cette propriété subversive, elles en faisaient une personne. Il est vrai qu'on l'avait entendue pendant la Commune de Paris, cette Marseillaise. Le printemps 1871 n'était pas si loin dans les mémoires. À l'opposé, les députés républicains, craignant le retour de la monarchie, redécouvraient les vertus émancipatrices du chant du printemps 1792. Quant aux foules parisiennes, elles manifestaient volontiers leurs préférences lorsque l'occasion se présentait. Ainsi, en juin 1878, le gouvernement de Mac Mahon proposa aux Tuileries le futur hymne national « Vive la France » de Charles Gounod et Paul Déroulède. Déroulède et Gounod, c'était nettement moins subversif que Rouget de Lille, évidemment. Après avoir écouté patiemment les premiers couplets, on en vint à murmurer, un cri jaillit, pressant, impérieux, unanime, « La Marseillaise !» L'historien Julien Thiersault, qui rapporte l'anecdote, s'empresse d'ajouter que les musiciens s'exécutèrent à la grande joie du peuple présent qui reprit l'immortelle mélodie. On a l'impression qu'on ne peut pas s'en défaire de cette Marseillaise. Elle va devenir l'hymne national officiellement donc sous la Troisième République. Au cours d'une séance présidée par Gambetta le 14 février 1879, la Chambre des députés adopte la Marseillaise comme hymne national. Elle est exécutée pour la première fois en tant qu'hymne national le 14 juillet 1879 à Longchamp, au moment de la grande revue de Longchamp, vous savez. C'était le défilé militaire de l'époque. Et en 1880, le jour anniversaire de la prise de la Bastille, donc le 14 juillet, et celui de la fête de la Fédération, bien sûr, 14 juillet 90, deviennent fête nationale. Donc tout ça se fait un peu en même temps. Sarah Bernhardt va prêter son concours à l'exécution de l'hymne national. Vous savez, quand il se passe un grand événement très symbolique, il est rare que Madame Sarah se tienne longtemps à l'écart. Une version officielle est adoptée en 1887 par le ministère de la Guerre. Et c'est également sous la Troisième République, le 14 juillet 1915, que les cendres de Rouget de Lille sont transférées aux Invalides. On peut dire que Rouget de Lille était un révolutionnaire modéré. Il avait été sauvé de la terreur grâce au succès de son fameux chant de guerre pour l'armée du Rhin. L'auteur de quelques romances et opéras avait vécu dans l'ombre, sous l'Empire, sous la Restauration, jusqu'à son décès à Choisy-le-Roi en 1836. À l'occasion du transfert des cendres de Rouget de Lille aux Invalides, on est en pleine Première Guerre mondiale, Raymond Poincaré va déclarer, je le cite, « Dans la genèse de notre hymne national, nous trouvons à la fois un splendide témoignage du génie populaire et un exemple émouvant de l'unité française. » De la Marseillaise interprétée par Jesse Norman. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'histoire de la Marseillaise. Alors, c'est la légende autour de la Marseillaise et de Rouget de Lille a commencé dès 1792 et elle se prolonge encore aujourd'hui. Nombreuses sont les personnalités de l'époque à avoir vanté les louanges du soldat poète et notamment un grand poète, Lamartine, bien entendu. À propos de l'écriture de la Marseillaise, voici ce qu'a écrit Lamartine, je le cite. Il y avait alors un jeune officier d'artillerie en garnison à Strasbourg. Son nom était Rouget de Lisle. Il était né à Lons-le-Saunier, dans le Jura, pays de rêverie et d'énergie. Le jeune homme aimait la guerre comme soldat, la révolution comme penseur. Il charmait par les vers et la musique les lenteurs impatientes de la garnison. Recherché pour son double talent de musicien et de poète, il fréquentait familièrement la maison Dietrich, patriote alsacien, maire de Strasbourg. La femme et les jeunes filles de Dietrich partageaient l'enthousiasme du patriotisme et de la révolution qui palpitait surtout aux frontières, comme les crispations du corps menacé sont plus sensibles aux extrémités. Elles aimaient le jeune officier, elles inspiraient son cœur, sa poésie, sa musique, elles exécutaient les premières, ses pensées à peine écloses, confidente des battements de son génie. C'était dans l'hiver 1792, nous dit-il. La disette régnait à Strasbourg. La maison Dietrich était pauvre, sa table frugale, mais hospitalière pour Rouget de Lisle. Le jeune officier s'y asseyait le soir et le matin comme un fils ou un frère de la famille. Un jour qu'il n'y avait eu que du pain de munitions et quelques tranches de jambon froid sur la table, Dietrich regarda de Lisle avec une sérénité triste et lui dit « L'abondance manque à nos festins, mais n'importe si l'enthousiasme ne manque pas à nos fêtes civiques et le courage au cœur de nos soldats. » Je suis pas persuadé qu'il se soit exprimé de cette manière, mais enfin ça c'est Lamartine qui le fait parler comme ça. « J'ai encore une dernière bouteille de vin dans mon cellier, qu'on l'apporte, dit-il à une de ses filles, et buvons-la à la patrie. » Strasbourg doit avoir bientôt une cérémonie patriotique. Il faut que de Lisle puise dans ses dernières gouttes un de ces hymnes qui portent dans l'âme du peuple l'ivresse d'où il a jailli. Les jeunes filles applaudirent et apportèrent le vin, nous dit Lamartine, remplirent le verre de leur vieux père et du jeune officier jusqu'à ce que la liqueur fût épuisée. Il était minuit, la nuit était froide, de Lisle était rêveur, son cœur était ému, sa tête échauffée. Le froid le saisit. Il rentra chancelant dans sa chambre solitaire, chercha lentement l'inspiration, tantôt dans les palpitations de son âme de citoyen, tantôt sur le clavier de son instrument d'artiste, composant tantôt l'air avant les paroles, tantôt les paroles avant l'air, et les associant tellement dans sa pensée qu'il ne pouvait savoir lui-même lequel de la note ou du vers était né le premier, et qu'il était impossible de séparer la poésie de la musique et le sentiment de l'expression. Il chantait et n'écrivait rien. Accablé de cette inspiration sublime, il s'endormit la tête sur son instrument et ne se réveilla qu'au jour. Les chants de la nuit lui remontèrent avec peine dans la mémoire comme les impressions d'un rêve. Il les écrivit, les nota et courut chez Dietrich. Il le trouva dans son jardin, bêchant de ses propres mains ses laitues d'hiver. La femme et les filles du vieux patriote n'étaient pas encore levées. Dietrich les éveilla, il appela quelques amis, tous passionnés comme lui pour la musique et capables d'exécuter la composition de de Lisle. La fille aînée de Dietrich accompagnait, Rouget chanta. À la première strophe, les visages pâlirent, à la seconde, les larmes coulèrent, aux dernières, le délire de l'enthousiasme éclata, la femme de Dietrich, ses filles, le père, le jeune officier se jetèrent en pleurant dans les bras les uns des autres, l'hymne de la patrie était trouvé. Eh bien voilà ce qui s'appelle écrire la légende d'un hymne, voilà ce que Lamartine nous raconte. On a voulu retenir de ce récit, bien entendu, qui a contribué à fixer cette légende autour de Rouget de Lisle, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'assez vite, la version de Lamartine a été contredite, y compris par les descendants de la fameuse famille Dietrich. De nombreux compositeurs ou critiques ont cherché à attribuer la musique de la Marseillaise à un autre auteur. Le seul cas indécidable, selon Frédéric Robert, serait celui de l'introduction d'Esther, un oratorio de Jean-Baptiste Grison, contredisant l'avis de Constant Pierre, pour qui Esther est postérieure à la Marseillaise. Toutefois, Robert constate que dès 1786, je cite, « des accents, des rythmes, des figures mélodiques annoncent la Marseillaise ». On trouve l'ébauche de la mélodie de la Marseillaise dans le concerto pour piano et orchestre numéro 25 de Mozart. Ah oui, et ce concerto, il a été composé par Mozart en 1786. Or, les 12 premières notes de l'hymne sont jouées au piano par la main gauche à la fin du premier mouvement Allegro Maestoso. Jean-Gabriel Prodhomme retrouve quant à lui les 15e et 16e mesures de la Marseillaise dans les mesures 7 et 8 du chant du 14 juillet de François-Joseph Gossec. Or, le chant du 14 juillet en question, il est composé en 1791. Donc, si Mozart a composé en 86 et Gossec en 91 des parties de la Marseillaise, vous avouerez que ça commence à poser problème. Bientôt, la belle légende de Lamartine va avoir un peu de plomb dans l'aile. Un autre compositeur va revendiquer la paternité de la Marseillaise, c'est Alexandre Boucher. Alors qu'il était âgé de 89 ans, il envoya le 2 juin 1859 une lettre adressée à Jules Lecomte, qui était chroniqueur au Courrier de Paris, dans l'hebdomadaire Le Monde Illustré, qu'il a publié. Voici ce que nous en dit Paul Jodoche dans un article de 65 qui s'intitule « La Marseillaise, Rouget de Lisle ou Alexandre Boucher ». Je cite « Dans sa missive, Boucher commence par expliquer les raisons pour lesquelles il avait attendu 67 ans avant de revendiquer la paternité de ce chant primitif. « Mon père, lorsqu'il en entendit les paroles terribles, dit-il, m'ordonna dans mon propre intérêt de n'en parler à personne jusqu'à ce que je n'aie plus besoin de mon talent musical dans les cours d'Europe où ce chant, confondu avec de foudroyantes paroles, me priverait d'y être jamais admis. » Je n'en parle actuellement que parce que je n'ai plus rien à espérer d'aucune cour. Un nonagénaire ne compte presque plus en ce très bas monde. J'avais composé cet air en pas redoublé, sans préjuger qu'on le simplifierait pour y ajouter des paroles si heureusement inspirées, et je devais me taire pour sauver la vie à Rouget de Lisle. Voilà ce qu'avoue ce fameux Jules Lecomte. Boucher raconte qu'il a composé le morceau à l'improviste en 1792 sur la demande du colonel de La Salle pour son régiment à Marseille, où Rouget de Lisle était alors prisonnier au Fort Saint-Jean. Selon Boucher, c'est le geôlier de Rouget de Lisle qui lui aurait conseillé vivement de trouver de belles paroles bien patriotiques pour accompagner cette musique qui donc existait déjà. Rouget de Lisle aurait alors commencé à improviser ses strophes. Il ralentit le mouvement de 6-8 à 4 temps. Il a élagué les notes qui n'étaient pas nécessaires et il a accéléré, si vous voulez, le rythme. En 1886, Arthur Lott était un avocat, rédacteur à l'Univers, a publié un ouvrage d'une centaine de pages intitulé « Le chant de la Marseillaise », dans lequel il défend la thèse selon laquelle ce n'est pas Rouget de Lisle, décidément, qui serait le véritable auteur de la Marseillaise. Son enquête est très rigoureuse et elle va bousculer bien des idées reçues. Selon lui, ce n'est pas non plus Alexandre Boucher, dont Lott se demande justement comment expliquer que Boucher ait conçu au profit de son amour propre une fable aussi extraordinaire, mais bien Jean-Baptiste Grison, modeste maître de chapelle à la cathédrale de Saint-Omer de 1775 à 1787. Et nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag SCDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant sur Europe 1, la suite de votre récit Franck Ferrand sur la légende de la Marseillaise. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'histoire, à la légende de la Marseillaise. Alors, selon Arthur Lott, vous voyez que la belle version bien patriotique et tellement inspirée de Lamartine est pour le moins battue en brèche par un certain nombre de spécialistes. Selon Arthur Lott, la famille Dietrich aurait effectivement demandé à Rouget de Lisle de composer un air pour lui. Il n'est pour ainsi dire dans les idées de la Marseillaise qui appartiennent en propre à Rouget de Lisle. Arthur Lott écrit « Il fallait un chant de circonstance. On l'a demandé à celui des invités que son petit talent de société désignait de préférence. On devine ce qui s'est passé. Rouget de Lisle, jeune officier de garnison, admis à faire de la musique dans le salon du premier magistrat de Strasbourg et assez glorieux de son petit personnage de virtuose, se sera piqué de vanité à la proposition du maire, vivement appuyé par les jeunes filles. » En rentrant chez lui, il s'est mis à l'œuvre, la tête échauffée par la conversation, il a cherché à faire un hymne patriotique, selon Arthur Lott. Concernant d'une part les paroles de la Marseillaise, elle ne devrait pas grand-chose au talent souvent qualifié de médiocre par ses contemporains de Rouget de Lisle. Vous comprenez pourquoi il se montrait dans sa lettre à Berlioz d'une telle modestie tout à l'heure. En vérité, Rouget de Lisle se serait largement inspiré de l'atmosphère des clubs de Strasbourg et il n'aurait fait que s'approprier les mots et les formules du langage révolutionnaire. On va y venir ça dans un instant. Concernant la musique surtout, si la légende veut que Rouget de Lisle ait composé la mélodie en une nuit, l'enquête d'Arthur Lott tend surtout à démontrer que Grison est incontestablement l'auteur de l'air principal de la Marseillaise. En effet, selon Lotte, on peut déjà trouver cet air dans un oratorio de Grison, qui donc s'appelle Esther, je vous l'ai dit tout à l'heure, et qui est antérieur de quelques années à la Révolution, 1786. Sans aller jusqu'à traiter Rouget de Lisle d'imposteur, Arthur Lotte défend la thèse selon laquelle il aurait plus ou moins inconsciemment plagié l'œuvre de Grison, ayant pris soin d'énumérer les manières dont le premier aurait pu prendre connaissance de la composition du second. Rouget de Lisle se serait peut-être rendu lui-même à Saint-Omer et l'œuvre de Grison aurait pu être communiquée. Vous voyez, c'est tout ça était dans l'air, si je puis dire. En possession de la partition musicale écrite par Grison et qu'il a pris le soin d'étudier avec attention, Lotte fait donc un constat sans appel. Au sujet du morceau de Grison, il écrira, je cite, « L'harmonie et la mélodie ont été faites l'une pour l'autre en même temps, elles procèdent de la même pensée, elles ont au même point le cachet du temps, la marque du compositeur, la Marseillaise de Rouget, au contraire, dans son texte primitif, sans accompagnement avec ses imperfections, trahit l'imitation, le souvenir. Un musicien qui comparera n'hésitera pas à donner au seul point de vue musical la priorité à l'œuvre de Grison. » Bonjour Guillaume Mazot. Bonjour. Nous allons revenir ensemble alors un peu sur cette polémique, sur l'origine et sur la paternité de notre hymne national et puis surtout sur ce qu'est devenu cet hymne national, sur ce qu'il représente et sur ce qu'il nous apprend de la pensée révolutionnaire. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi de la Marseillaise avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Guillaume Mazot, historien, maître de conférence à l'Institut d'Histoire de la Révolution Française. Alors Guillaume Mazot, réglons cette affaire. Vous y croyez, vous, à l'hypothèse d'Arthur Lotte sur la paternité de Grison? C'est vrai que des pages et des pages ont été écrites sur cette controverse. Vous avez employé l'expression « c'était dans l'air » tout à l'heure. Et c'est vrai, c'est un peu comme aujourd'hui quand on se demande si le chanteur Pharrell Williams n'a pas pris quelques riffs au groupe de rock Franz Ferdinand. C'est un peu toute l'histoire de la création artistique et des tubes. En fait, voilà, la Marseillaise a rencontré l'esprit de son époque. Rouget de Lisle s'est probablement inspiré en éponge, hein, de beaucoup d'airs connus. Pourquoi pas de celui de Grison, pourquoi pas de Mozart, etc. Les musicologues, les historiens pensent qu'il a vraiment composé ça. Alors on est parfois à la limite du plagiat quand quelque chose marche aussi bien. C'est qu'il a su exprimer quelque chose avec un air très énergique, très rythmé, etc., qui correspondait à la sensibilité d'une époque. Alors au départ, c'est bien un chant de guerre, en tout cas. C'est le titre d'ailleurs qu'il porte. Hein. Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant d'ailleurs. Ça montre d'où cette république vient, d'une guerre civile, d'une guerre extérieure. C'est un chant qui, comme beaucoup de chants à la fin du XVIIIe siècle, était finalement chanté pour mobiliser, pour rassurer des gens qui engageaient leur vie pour la défense de la patrie. Ce qu'il faut dire, c'est qu'au XVIIIe siècle, on chantait beaucoup. On se rappelle la dernière réplique du mariage de Figaro de Beaumarchais. En France, tout finit par des chansons, mais tout commence aussi par des chansons. On chante pour se plaindre, on chante pour exprimer sa joie de vivre, on chante à tout bout de champ et on chante bien sûr pour se battre. Hein. Il ne faut pas oublier que sur les champs de bataille AMP, il y a beaucoup de chants à NTS. Hein. Là aussi, d'ailleurs, un des décalages avec la réception de la Marseillaise aujourd'hui vient du fait que on a oublié à quel point la culture orale dans ce XVIIIe siècle où la moitié des gens savaient lire seulement, la culture orale était vraiment un élément central de la culture populaire avec les images aussi. Donc on chantait à tout bout de champ, notamment sur le Pont Neuf. Hein, on les appelait ces chansons beaucoup des Ponts Neufs parce que c'est là qu'on vendait les textes des chansons, les airs sur lesquels on pouvait les chanter. Et surtout, on chantait en période de révolte, de sédition. On était dans la culture du rire, de la satire, du carnaval, du charivari. Hein, c'était des moments où on pouvait exprimer une contestation, une opposition aux élites en chantant. Alors ça permettait de se mobiliser ensemble et puis aussi d'exprimer des choses de manière un petit peu, pas légère, mais en tout cas indirecte. il y a deux autres chants très célèbres de la Révolution. Enfin, il y en a pas mal, mais il y en a deux. C'est Ça ira, bien entendu, oui. Et puis la Carmagnole. Alors, le Ça ira, composé par un... Alors là, c'est un des plus connus compositeurs de l'époque, qui s'appelait Ladré. On lui doit probablement une soixantaine de chansons. Après, il y en a plein d'anonymes. La plupart des chansons révolutionnaires sont anonymes. Et la Carmagnole. Et justement, la Marseillaise, c'est intéressant, a été fait et popularisé aussi. On l'a oublié, dans un climat de quasi-guerre civile, comme un chant qui devait justement contrer les chants beaucoup plus radicaux de ceux qui soutenaient Marat, de ceux qui étaient proches des cordeliers. Rouget de Lisle, c'est pas un grand oui, républicain, modéré, hein, c'est voilà, ce que je disais, des monarchistes constitutionnels. Et donc, et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que ça a bien marché à cette époque-là, parce que c'est considéré comme un chant rassembleur. Mais alors, chant modéré, chant rassembleur. Alors là, vous allez faire exploser Facebook, parce que déjà, ça a commencé avant que l'émission ne s'ouvre. J'ai un nombre de messages invraisemblables. Les gens, nos auditeurs, en partie, pas tous sans doute, mais considèrent que c'est un chant très belliqueux, très, très violent, en quelque sorte. Il a été écrit pour ça. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. Ça montre à quel point cette Révolution française nous est devenue étrangère. Ce 18e siècle nous est devenu étranger. Aujourd'hui, on a un rapport complètement différent à la violence. Notre siècle n'est pas forcément moins violent, mais la violence est mise à distance au quotidien. À l'époque, c'était pas du tout le cas. Et donc, oui, quand on chante la Marseillaise aujourd'hui dans les écoles ou sur les stades de foot, puisque c'est en gros c'est là qu'on chante de la manière la plus courante. Hein. Évidemment, si on fait attention aux paroles, c'est extrêmement violent. Ça porte évidemment un sens très très violent. Mais cette violence, elle était contextualisée, elle avait un sens à cette époque. Aujourd'hui, elle a perdu son sens. Et vous savez que certains auraient voulu qu'on change les paroles de la Marseillaise. Alors déjà, le président Giscard d'Estaing avait fait ralentir le rythme en 1974. Maintenant, d'autres voudraient qu'on change les paroles de la Marseillaise. Est-ce que finalement, un hymne ne doit pas rester pur, ce qu'il est depuis l'origine? Alors cet hymne, il a résisté malgré tout. Les paroles ont résisté parce qu'il est considéré comme un élément du patrimoine. Et donc il est resté comme quelque chose qui, dans lequel on se reconnaît finalement. Les Français se reconnaissent, mais même au-delà, hein, puisque pendant longtemps, il a échappé à la France en grande partie. Hein. Il a eu une dimension universelle. Mais il faut pas oublier aussi que dans, par exemple, le cinquième couplet de la Marseillaise, on enjoint aux soldats français d'être magnanimes envers les soldats ennemis qui finalement s'engage dans les armées contre les Français, contre leur gré, manipulés par les tyrans, etc. Et envers ces soldats-là, on conseille d'être indulgent. Hein. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est violent, c'est un chant de guerre dans une période de guerre. La Révolution, c'était ce contexte-là. Alors Lucile nous dit au départ, c'est nos ou vos bras et marchons ou marcher pour ces deux versions dans les paroles. Enfin bref, c'est-à-dire que marchons ou bien marcher. Au départ, c'était marcher. C'était un ordre en voilà, fait. Voilà, c'est ça. C'était une injonction. Et il fallait galvaniser des soldats. Il fallait leur donner du courage. On rappelle qu'en 1792, c'est des volontaires qui s'engagent dans l'armée, qui acceptent de sacrifier leur vie pour la défense de la patrie. Une patrie qui n'est pas du tout considérée comme quelque chose de, avec les accents nationalistes du 19e siècle, la patrie, c'est la terre de la liberté. On défend la liberté. Cette patrie, elle peut être partout. Elle peut être en France, mais aussi elle peut être partout en Europe. Et donc, on défend cette liberté. Donc, évidemment, oui, c'est un champ plein d'énergie. Est-ce que cette Marseillaise, qui ne s'impose finalement que très tard, avait une autre signification? Est-ce qu'elle avait une signification politique au 19e siècle? J'ai dit que pendant les Trois Glorieuses, en 1830, les gens s'en étaient littéralement emparés. On a vu l'incroyable ferveur de Lamartine, de Berlioz, etc. Quel était le sens de cette Marseillaise au 19e siècle? La Marseillaise, au 19e siècle, elle devient un chant de résistance. D'ailleurs, contre l'autorité monarchique, puisqu'elle était interdite sous la Restauration. Donc, tous ceux qui défendaient les valeurs libérales au sens politique, la liberté, et qui se réclamaient de la Révolution, chantaient ce chant donc, en résistance. L'idée, c'était bien, quand je chante la Marseillaise, je fais directement référence à la Révolution. Ah oui. Donc, à la République, il y a quelque chose de très républicain. Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, dès le Directoire, c'est-à-dire après 1795, ceux qui chantent la Marseillaise s'opposent à ceux qui chante le réveil du peuple, qui était un chant qui condamnait les excès de la Révolution, de la Terreur, et que les républicains modérés du Directoire voulaient imposer. Donc, elle a été tout de suite finalement emblématique d'une lutte politique. Et là, il y a de la conflictualité dans la Marseillaise. C'est ça qu'elle nous rappelle. Notre histoire est faite de conflictualité. C'est comme ça que s'est construite la France aussi. Et vous faites bien de le dire et de le dire notamment à ceux de nos auditeurs qui n'en sont plus conscients. C'est en 1879 donc qu'elle s'impose officiellement comme l'hymne national. Et comme par hasard, c'est juste au moment où l'on va également décréter, c'est d'une façon générale, c'est l'installation de la République, quoi. Exactement, c'est-à-dire un siècle après la Révolution française. On considère d'ailleurs que c'est presque à ce moment-là qu'elle se termine, cette Révolution, en tout cas qu'elle est globalement acceptée. Et on va accepter le 14 juillet comme fête nationale aussi. Hein. Exactement, c'est à cette époque-là que les Républicains, une fois que Mac Mahon est parti, que les royalistes sont beaucoup moins menaçants, se disent finalement, on va reprendre tout l'héritage de la Révolution française, y compris parfois celui de la terreur, hein, qu'on avait beaucoup diabolisé, et on se dit, voilà, finalement, la loi du 14 juillet 1795, on la reprend et ça devient un hymne national. Donc il y a toute une... les héritages de la Révolution française, ceux qui rassemblent en tout cas, sont repris à ce moment-là pour reconstruire une France républicaine de manière plus durable. Alors Thibault nous avait posé une question sur les anciens hymnes français, notamment sur l'hymne de la monarchie française sous l'Ancien Régime. Il dit « Je sais qu'il existe notamment la fameuse marche d'Henri IV reprise par Tchaïkovski pour le final de son ballet La Belle au Bois Dormant, mais j'aimerais des éclaircissements. Il y avait l'Ave Maria surtout, hein, qui n'était pas un hymne national mais qui était chanté dans les grandes circonstances bien entendu. Veiller au salut de la France, il y avait un certain nombre de chants comme ça. Sous l'Empire, on a la marche consulaire, on a un certain... Mais c'était pas des hymnes nationaux au sens propre, non, en fait. Non, c'était des... Alors, c'est vrai, l'importance des chants religieux était très importante. Oui. Et d'ailleurs, la Marseillaise est une bonne occasion pour beaucoup de révolutionnaires de séculariser, de laïciser, en fait, hein, les chants pour créer une sorte de paysage sonore républicain qui soit plus directement lié à la religion. Mais on a oublié de dire aussi que les contre-révolutionnaires avaient leurs chants. Oui, hein, d'ailleurs, bien sûr. Celui de Grétry, par exemple. Grétry, compositeur favori de Marie-Antoinette. Et hein. Voilà, qui avait composé Richard de Lyon, eh bien, c'était vraiment le chant préféré des contre-révolutionnaires. C'était « Oh Richard, oh mon roi », etc. Donc voilà, on se combattait aussi par des chansons. Ça nous paraît un peu peut-être vieux tout ça, un petit peu suranné, mais il faut penser aux slogans qui sont chantés dans les manifestations. Il y a aujourd'hui, on est le 1er mai, hein, alors aujourd'hui c'est un peu bizarre de parler de la Marseillaise. Le chant du 1er mai, c'est l'international. Oui, c'est ça, mais justement, il faut le dire, au début du 20e siècle, mais on va y venir, pour tout vous dire, j'avais prévu d'en parler dans 3 minutes, mais c'est pas grave. Non. Mais c'est vrai qu'au début du 20e siècle, on va voir un certain nombre de groupes sociaux se détacher de la Marseillaise et choisir d'autres hymnes, et notamment les ouvriers et les syndicalistes vont prendre l'international. C'est le plus célèbre. Oui, parce que la Marseillaise, un peu à tort parfois, est vraiment trop marquée par le nationalisme. C'est-à-dire qu'elle devient, et par sa dimension guerrière, dont certains, autour des socialistes, avec la mise en valeur du pacifisme, de la paix, de l'union des peuples et de la classe prolétarienne, eh bien, veulent plutôt insister là-dessus sur une dimension internationale. Et donc, ceux-là vont se démarquer de l'international. D'ailleurs, pendant la Révolution russe en 1917, ça va être un vrai débat entre les bolcheviks. Certains chantent la Marseillaise et d'autres lui préfèrent d'autres chants. Alors, il y a une question qui revient à tout bout de champ. Décidément, c'est une émission qui suscite énormément de questions. On nous parle de l'expression « sang impur », qu'un sang impur abreuve nos sillons. Alors ça plaît plus du tout à l'époque actuelle. Alors qui est visé, nous demande Guy, par exemple. Est-ce l'ennemi? Est-ce les nobles? Quel est ce sang impur? Alors, le sang impur, c'est vraiment très intéressant parce que c'est vraiment le symbole de l'incompréhension de la Marseillaise aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, sang impur, ça peut vouloir dire, ça peut avoir finalement une connotation un peu raciste en disant finalement, si le sang des ennemis est impur, c'est le sang de l'étranger qui est impur. Donc c'est un chant nationaliste. À l'époque, les révolutionnaires peuvent pas penser dans ces termes-là parce que le racisme tel qu'on l'a connu au 19e siècle, au 20e siècle, n'existait pas sous sa forme. Le sang impur, c'est celui du sang qu'on appelait du sang corrompu. C'est ceux qui soutiennent les tyrannies, le despotisme. Il y a aucune dimension biologique, mais on peut les racheter, hein, on peut le faire couler s'ils défendent la tyrannie et le despotisme, mais on peut aussi les racheter, les régénérer, comme on disait à l'époque. Donc le sang pur, c'est les vertueux, le sang impur, c'est ceux qui ne sont pas vertueux. Donc il n'y a pas de dimension raciste là-dedans, mais aujourd'hui je comprends évidemment que ça fasse réfléchir et que ça fasse réagir. Mais moi, vous le comprenez, je peux le comprendre aussi, mais moi je suis surpris pour tout vous dire. Je ne m'attendais pas à cette pluie de questions et d'interrogations sur la Marseillaise qui, semble-t-il, ne fait donc pas tout à fait l'unanimité. C'est pourtant notre hymne national, on a envie de dire que diable. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que si la musique fait... donc il y a une dimension émotive dans cette... évidemment, dans la reconnaissance de ces airs, etc., qui peut rassembler. En même temps, c'est vrai que ces paroles-là sont en décalage. Il faut regarder tout l'effort d'explication qu'on fait là aujourd'hui. Évidemment, on peut pas le faire quand Benzema chante à Marseille ou refuse d'ailleurs de la chanter dans le stade, etc. C'est très compliqué. Justement, puisque vous parlez de ceux qui refusent de chanter la Marseillaise, ça c'est toute l'histoire. Une deuxième histoire, mais qui est très passionnante, l'histoire de la Marseillaise au XXe siècle. Je vous propose d'écouter ce qu'on pouvait entendre sur l'antenne d'Europe 1 il y a maintenant déjà une trentaine d'années. C'était notre grand, notre irremplaçable Coluche. Et voilà ce qu'il faisait de la Marseillaise. La Marseillaise, je dis à l'école, on ne l'apprend que depuis 1911 à l'école. Alors là, c'est une loi. Hein. À l'époque, on... Et puis de 2005, il y a eu la récente Alors, oui, parce loi que, de ça, 2005. C'est, voilà. Ça beaucoup plus récemment. Sens, voilà, c'est sûr. Ça. Elle fait partie de l'éducation des citoyens avec un effort d'explication. Moi, je repensais là en écoutant Coluche. C'est vrai qu'on a envie de la désacraliser parfois à cause de mettre à distance ces paroles violentes. Mais contre nous, de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, qui comprend ces mots-là? C'est plus du tout notre façon de parler. Je suis sûr que la plupart des gens qui chantent ça savent pas ce que ça veut dire. Oui. C'est l'étendard qui est levé contre nous, etc. C'est compliqué. C'est comme quand vous faites apprendre aux enfants des passages d'une pièce de Corneille, par exemple. Je suis sûr que sur le coup, ils ne comprennent pas tout. Et puis petit à petit, surgissent des lumières, si je puis dire. Et petit à petit, on finit par comprendre ce qu'on avait appris. Il n'y a rien de plus beau, finalement, que de comprendre a posteriori ce qu'on avait seulement appris. Alors, pendant très longtemps, la Marseillaise va être sujet de grandes polémiques. Ça, on n'a pas attendu 2014 pour se poser des questions. Au moment de la Première Guerre mondiale, c'est même carrément une guerre, si je puis dire, entre justement tous ceux qui veulent adopter l'international, tous ceux qui contestent la violence des paroles. C'est le socialiste Pierre Brizon qui, le 14 juillet 1919, déclarait « Il n'y a plus de République, nous ne chanterons plus leur Marseillaise, ils en ont fait un chant de sauvage », disait-il. Et jusqu'en 1934, le Parti communiste français va rejeter la Marseillaise car, déclare Paul Vaillant-Couturier, notre fête à nous, c'est l'avènement de la révolution soviétique à l'époque. Bah oui, parce qu'il y avait cette dimension plus spécifiquement française. Le contexte politique des années 30 va évidemment changer la donne. Voilà ce que nous dit Hervé Luxardo. Il dit « Le 6 février 1934, momentanément unis dans leur haine de la démocratie parlementaire, manifestants communistes et ligues d'extrême droite menèrent des assauts communs contre les forces de l'ordre et on avait entendu résonner en mains endroits curieusement mêlés l'international et la Marseillaise. » Ces deux chants qui vont lutter l'un contre l'autre et puis en même temps parfois se retrouver. Ce qui va donner une nouvelle jeunesse, si l'on peut dire, à la Marseillaise, c'est la Seconde Guerre mondiale. De l'expérience dramatique de la Seconde Guerre mondiale, écrit Luxardo, la Marseillaise ressurgit régénérée. Dans les camps nazis, des prisonniers la fredonnèrent, voire en écrivirent des passages. Le 14 juillet 1943, Louis Voisin, du camp d'Oranienburg-Sachshausen, écrivit sur sa boîte à godets « Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé ». On la chanta aussi par défi au poteau d'exécution. Alors ça régénère un chant, bien entendu. Oui, c'est vrai que c'est pendant la Seconde Guerre mondiale que finalement les origines historiques de la Marseillaise vont être un peu rappelées. D'abord son chant de résistance, son chant de guerre, mais aussi son chant de rassemblement des peuples. C'est ça qu'on a oublié. Dans les années 30, finalement, la Marseillaise devient parfois une sorte de symbole de la droite nationaliste, c'est vrai. Mais c'était un oubli de ce qu'elle avait été au départ, hein. Un chant chanté, ramené à Paris par des méridionaux, hein, qui étaient presque considérés parfois comme des étrangers, hein, par les gens du nord de la France, et qui avait d'ailleurs été aussi récupéré au XIXe siècle par beaucoup de peuples, hein, je pense pendant le printemps des peuples, etc. Il y avait une dimension internationale. Et c'est vrai que pendant la Seconde Guerre mondiale, on rappelle, ça revient, ça, la notion de rassemblement, de lutte, de sacrifice, etc. Donc c'est à ce moment-là, oui, que peut-être ces origines-là sont un petit peu rappelées. Et alors, c'est à ce moment-là, c'est après la Seconde Guerre mondiale qu'on commence vraiment à se poser des questions sur l'origine, hein, c'est de la Marseillaise. Oui. Elle est devenue tellement institutionnelle, tellement officielle, plus personne ne la met en cause, mais alors du coup, on se met à chercher un peu, à savoir qui l'a vraiment écrite, et si Rouget de Lille n'avait été qu'un plagiaire, enfin, etc. Et c'est pas du tout un hasard, c'est aussi à l'époque, je pense aux années 60 ou 70, on commence à relire plus globalement ce qu'on appelait les romans nationaux, Voilà. C'est-à-dire l'histoire républicaine telle qu'elle était professée. On scrute à tous un les peu enfants. Les choses, oui. Voilà, c'est ça. Il y a une dimension critique aussi, hein. Alors, il n'y a pas que des controverses inutiles, hein. D'ailleurs, c'est jamais inutile, une controverse. Mais il y a aussi une volonté de casser, de démythifier un petit peu nos institutions, des choses qu'on n'avait pas questionnées pendant très longtemps pour forger une nation. Voilà, là, on la questionne. Alors, la Marseillaise n'est donc plus du tout remise en cause dans ces années 60-70. Et puis voilà qu'en 1975, le président Giscard d'Estaing décide de changer le rythme de la Marseillaise. Alors là, scandale des scandales. Voilà ce que nous dit Luxardo. Dès sa première interprétation, le tollé fut général. À travers les nombreuses réactions à cette innovation, on mesure le conservatisme de la France. La communauté française s'était sentie pendant un moment violentée. Giscard s'était attaqué au symbole même de la République, transmis de génération en génération. Deux lecteurs sur trois sont contre la Marseillaise rétro, titré France Soir le 12 novembre 1975. Les raisons, elles tiennent pour l'essentiel à l'histoire, au refus du changement, au respect des morts. J'ai presque envie de dire au respect de l'œuvre aussi, peut-être, non ? Au respect de l'œuvre, au respect aussi de ce qu'est symbolisé là dans l'histoire nationale. Hein. Valéry Giscard d'Estaing, il avait aussi tenté de supprimer les commémorations de 8 mai 45, en tout cas la qualité de jour férié. Oui, c'est ça. Et donc, on est dans un contexte où il essaye de réinterroger un petit peu le cycle commémoratif, l'identité, etc. Ça faisait partie de ce qu'il appelait la modernisation. Exactement. De la société. Voilà. Mais alors, en l'occurrence, ça n'était pas bien perçu du tout. Non, parce qu'il avait sous-estimé quand même finalement l'inertie et le profond attachement des Français à ce genre de mémoire républicaine, etc. Alors, ce qui est étonnant, c'est que à partir des années, alors en 89, il y a cette célèbre interprétation de Jesse Norman que nous avons entendu tout à l'heure, qui a à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française, c'était un moment, pour tout vous dire, moi j'y étais, là, place de la Concorde ce soir-là, on pleurait tous, c'était extraordinaire, c'était un moment. Là, je défie quiconque de n'avoir pas aimé la Marseillaise ce jour-là. Et puis, dans la suite, dans la foulée, on va voir ce qu'on a entendu tout à l'heure avec Coluche, c'était juste avant ça d'ailleurs, mais on va voir les humoristes, les compositeurs, etc. s'emparer de l'hymne national pour essayer de le transformer, de jouer avec, en quelque sorte. Oui, on désacralise là. Oui, bien sûr, on désacralise. Encore récemment, il y a le compositeur Christophe Chassol qui a interprété une belle Marseillaise. Oui, on désacralise, on s'en empare. Ça va avec l'individualisation aussi de la société, avec la liberté qu'on prend par rapport à finalement à toutes ces constructions identitaires, nationales, etc. Et puis aussi à la distance quand même. On est dans un pays qui n'a pas connu de guerre quand même depuis assez longtemps, en tout cas sur le sol français. Et finalement, ça nous semble plus du tout naturel. Hein, et donc, d'où l'envie de désacraliser, de rire, de mettre à distance cet hymne qui ne posait pas débat tellement auparavant, en tout cas pas de cette manière-là. Alors, on connaît très bien le premier couplet « Allons enfants de la patrie », etc. Ça, je pense que tous les Français le connaissent à peu près. Enfin, on peut l'espérer. Mais alors, on oublie certains autres. Que veut cette horde d'esclaves, de traîtres, de rois conjurés, pour qui ces ignobles entraves, ces fers dès longtemps préparés? Ou bien, quoi ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers? Quoi ces phalanges mercenaires terrasseraient nos fiers guerriers? Il y a effectivement un style particulier, il y a un registre lexical qui sont spécifiquement ceux du néoclassicisme, du retour à l'antique, de la République vertueuse telle qu'on l'envisage au moment de la Révolution. Les termes même, les expressions sont ceux qui sont tout droit issu de la Révolution. Ça, c'est exactement assez fascinant. C'est pour ça qu'elle porte des valeurs, la notion d'esclavage, de patrie, puisqu'on l'a oublié. C'est on met en valeur des idées de liberté quand même. Au-delà de la dimension guerrière extrêmement violente, on met aussi des valeurs virilistes, puisque c'est les soldats, on critique les soldats, on veut se battre contre les soldats qui vont égorger les fils et les compagnes. C'est-à-dire c'est des hommes qui parlent, qui vont se... C'est pour ça que d'ailleurs en 1848, il y avait on l'appelait la Marseillaise des Cotillons, une Marseillaise revendiquée par les féministes. J'en cite quelques couplets, français, non c'était pas ça, c'était « Trembler tyran en portant culotte, femme, notre jour est venu, point de pitié, mettons en note tous les torts du sexe barbu ». Donc voilà, donc C'est quand même, donc les valeurs de liberté, ça porte, mais aussi des valeurs très très masculines dans lesquelles on a le droit de pas se reconnaître aujourd'hui. Hein. Oui, c'est très, il y a un côté presque un peu machisme. Enfin, bien sûr, c'est l'époque. C'est l'époque. Et puis, encore une fois, ce style très très particulier, tremblez tyran et vous perfide, l'opprobre de tous les partis, tremblez vos projets parricides, vont enfin recevoir leur prix. On se croirait vraiment, on est chez Gossec hein, pour le coup là. Oui, c'est... oui, c'est vrai, oui. On est dans ce qui a pu être le grand opéra néoclassique. Oui, oui, oui. On est dans le sublime aussi. Hein. On est dans le sublime et qui est contextualisé dans un sentiment d'urgence où voilà, on a l'impression, et d'ailleurs c'était fondé, qu'une bonne partie de l'Europe voulait faire la peau de la Révolution française. Et donc ça aussi, on l'a oublié. Et voilà. Peut-être parfois, on peut difficilement se reconnaître par rapport à ça. Moi, je trouve bien, en tout cas, et assez magnifique même, que notre hymne national, qu'on entend, comme vous le dites, avant les matchs de football, ou enfin dans toutes les circonstances possibles imaginables, à la fin des meetings politiques de tous les partis confondus, d'ailleurs, c'est ça qui est assez extraordinaire, d'entendre que cet hymne soit tellement spécifique et nous ramène à une période tellement marquée. C'est-à-dire que ça n'est pas du tout un hymne comme on entend d'autres pays, je ne citerai aucun pour ne pas choquer nos auditeurs étrangers, mais la plupart des pays ont des hymnes, je dirais, assez neutres. Cet hymne-là n'est pas neutre du tout. Il traduit un moment très spécifique de l'histoire et il a gardé toute sa saveur, toute sa force. Puisqu'il a gardé ses notes, son rythme et ses paroles, on a envie de dire pourvu qu'il les garde longtemps, non Guillaume Mazot ? Ça, j'en sais rien. L'air, il me pose aucun problème. Les paroles, après, on peut en discuter. Moi, en tant qu'historien... Vous seriez pour qu'on les paroles ? C'est vrai que c'est un petit peu étrange de chanter des paroles aussi violentes comme ça dans des manifestations sportives ou même dans une période où on porte d'autres valeurs. En même temps, ce qui est intéressant en tant qu'historien, c'est justement de rappeler d'où ça vient. Mais c'est-à-dire, ouais. Voilà, c'est un hymne qui vient aussi du peuple d'une certaine manière. Rouget de Lisle, c'était pas un compositeur professionnel, etc. On a l'impression qu'il a su ramasser un air du temps qui était assez intéressant, d'où sa revendication par les sans-culottes, par des valeurs populaires, d'où sa revendication aussi, même par certains socialistes au 19e siècle. Merci beaucoup Guillaume Mazot d'être venu nous parler de cette Marseillaise et du contexte qu'il l'a vu naître. Je cite parce que je l'ai vraiment beaucoup utilisé dans ce récit, vous l'aurez remarqué, l'ouvrage d'Arthur Lott qui s'appelle La Marseillaise, enquête sur son véritable auteur. Ah là là. Et c'est édité aux Nouvelles Éditions Latines. Merci beaucoup. Dans un instant, nous parlons du 1er mai. Dans un instant sur Europe 1, vous répondez Franck Ferrand à la question de Sophie. Elle aimerait connaître l'origine du 1er mai comme fête du travail. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Sophie. Elle nous l'a envoyée via la page Facebook de l'émission. Et elle aimerait connaître l'origine du 1er mai comme fête du travail. Alors vous savez que d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que le 1er mai n'a pas toujours été la fête du travail, mais que c'est depuis très longtemps un jour très particulier. Bien avant de prendre le tournant politique que nous connaissons, cette journée était déjà synonyme de renouveau. Bah, c'est l'arrivée du printemps, hein, tout simplement. Au Moyen-Âge, les jeunes hommes célibataires se rendaient en forêt ce jour-là. En tout cas, ils s'y rendaient la nuit précédant le 1er mai. Ils sciaient un arbre qu'ils décoraient de couronnes de fleurs, etc. et le plantaient devant la maison de l'heureuse élue, figurez-vous. Il s'agissait d'un gage de fiançailles. Une belle preuve d'amour, certes, mais quelque peu contraignante et qui sera par la suite remplacée par une nouvelle tradition qui voulait qu'on offre un bouquet de muguet à sa moitié. Il n'a pas l'air très brillant, le muguet, d'ailleurs. Je suis passé sur les Champs-Élysées là en venant. Je l'ai pas trouvé très, très brillant, moi, c'est pas bon. Cette coutume remonte au milieu du XVIe siècle. On la doit, semble-t-il, à Charles IX. Alors, c'est l'année 1886 qui va marquer un tournant dans l'histoire du 1er mai. À cette date, devait être installée et instaurée aux États-Unis la journée du travail de 8 heures, une disposition discutée 2 ans auparavant lors du 4e congrès de l'American Federation of Labor. Et arrive le 1er mai 1886. De nombreux salariés ont obtenu satisfaction, mais d'autres n'ont pas été écoutés. Et près de 350 000 travailleurs vont faire grève dans tout le pays pour faire valoir leurs droits. Le 3 mai, une manifestation est organisée à Chicago, mais le rassemblement va dégénérer, va faire 3 morts. Une marche de protestation aura lieu le lendemain. Elle va faire cette fois 15 morts dans les rangs de la police. Trois ans plus tard, le Congrès international socialiste réuni à Paris décide d'instaurer cette fête du travail le 1er mai de chaque année afin de commémorer le drame de Chicago. Dès le 1er mai 1890, le mouvement va être suivi et les ouvriers en grève défileront en triangle rouge, agrafé à la boutonnière, comme Pierre de Villeneuve qui est en train de s'installer avec son triangle rouge. Là, oui, ça, on aura tout vu. Vous l'avez compris, il ne s'agit donc pas encore d'un jour chômé. C'est le régime de Vichy, figurez-vous, qui instaurera de façon officielle le 1er mai comme fête du travail. Décision prise dans l'idée de récupérer le mouvement syndical à son compte, bien entendu. Elle sera confirmée par la 4e République en 1947, qui fera définitivement du 1er mai une journée chômée et payée.